ya pecos. Que n'abisse mon frère. Ay. Je suis ma candidat. Ma Djungozu. La vie production, maison blanche, maison à solo. La Brazzaville.